إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc inshallah nous allons entamer un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abdus Salam al-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Il nous dit hafidhahullah al-maqsoudu bis-salaf, ce qui voulu par le terme as-salaf, les prédécesseurs. Taqaddama fima mada at-ta'rif al-lughawi bi ma'na as-salaf. Donc nous avons vu précédemment, dans les cours précédents, le sens linguistique, littéral, du terme salaf. Comme on vous l'a déjà dit, il n'y a pas de mal à le répéter, qu'en religion, on a des termes qu'on emploie pour un sens bien précis, et ces termes, dans la langue arabe, ont parfois un autre sens. Donc à bien distinguer le sens littéral, linguistique, du terme technique, du sens technique, donc dans la religion. Donc le terme as-salaf, qui est un mot arabe, on a vu sa signification. C'est ceux qui sont venus avant toi, ceux qui t'ont précédé, parmi les générations, parmi les membres de ta famille, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir le sens technique par lequel il est voulu ce terme. Donc, il nous dit taqaddama fi ma mada at-ta'rif al-lughawi bi ma'na as-salaf. Wa amma al-ma'na al-maqsoud bis-salaf fi al-istilah faqad ikhtalafa fi dhalika 'ala aqwalin 'iddah. Mais en ce qui concerne le sens technique du terme as-salaf, eh bien, on a différentes opinions des ulama là-dessus. Ahammuha, parmi ces opinions qui sont les plus importantes qu'on a, awwalan, premièrement, annahum as-sahabatu faqat. Il est voulu par le terme as-salaf, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Thaniyan, deuxièmement, annahum as-sahabatu والتابعون. Deuxièmement, il y a cette opinion qui dit qu'il est voulu par ce terme as-salaf les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et les tabi'in rahimahumullah, c'est-à-dire les successeurs, ceux qui sont venus juste après les compagnons. At-tabi'un, ce sont ceux qui ont pris l'islam, qui ont côtoyé les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Thalithan, troisièmement, annahum as-sahabatu wat-tabi'un wa tabi'u at-tabi'in. Troisième opinion, c'est que ce terme, on veut par ce terme dans le sens technique les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les tabi'in, ceux qui leur ont succédé, et ceux qui ont succédé aux tabi'in, la génération qui est venue, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré, qui ont côtoyé les contemporains des tabi'in, mais qui n'ont pas rencontré les compagnons. On les appelle « Etba' al-tabi'in »« Tabi'u al-tabi'in ». Et là, on a les trois générations. « As-sahaba »« Wa-tabi'in » »« Wa-etba' al-tabi'in ». Rabi'an, quatrièmement, quatrième opinion, « Anna as-salaf من كان قبل الخمسمائة. Une opinion qui dit que le terme as-salaf s'emploie aux générations, aux personnes qui ont vécu avant le 5e siècle, c'est-à-dire avant l'an 500 de l'Hégire. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها. Et les prétendants à cette opinion, les personnes, les adeptes de cette opinion, prétendent que c'est une voie, un cheminement qui concerne une période bien précise, et qu'une fois que cette période elle est passée, il n'y a plus personne qui peut être affilié à ce terme. Ça, c'est ceux qui ont cette opinion qui disent tous ceux qui sont venus avant le 5e siècle. C'est, tous ceux qui sont venus dans, durant les 5 premiers siècles. Thumma inna al-fikr al-islami tatawwara ba'da dhalika 'ala yadi rijalihi. Et donc ils disent aussi que as-salaf, c'est un terme qui s'emploie pour les personnes des 5 premiers siècles. Et qu'après les 5 premiers siècles, c'est-à-dire à partir du 6e siècle jusqu'à nos jours, ainsi de suite, que la pensée islamique s'est développée. Qui l'a développée? Les tenants de l'islam pendant ces siècles qui sont venus après. Ça, c'est une opinion qui n'est pas acceptable, et ça, le cheikh va l'accepter, va l'expliquer. Il va bien le commenter comme quoi c'est une opinion qui est fausse, qui n'a aucun fondement. Et parmi ceux qui défendent cette opinion, il y a le docteur Al-Bouti, le Syrien, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, qui a des écrits pour combattre les gens de la Sunna et les suiveurs de Salaf, radiallahu anhum. Et il a un livre qu'il a intitulé « As-Salafiyya, marhalatun zamaniyatun mubaraka ». La madhhab. Il dit dans son ouvrage que As-Salafiyya, c'est une époque, une période dans le temps bien précise qui est bénie et non pas un chemin ou une voie. Et bien sûr, les ulamas de la Sunna ont réfuté son ouvrage, et parmi les réfutations les plus connues, les plus célèbres, il y a la réfutation de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullahu Ta'ala, qui est membre de Hayat Kibar al-Ulama en Arabie et qui a fait des ta'qibat, des annotations ou des remarques, plus de 40 remarques sur cet ouvrage, et il répond aux fausses idées qui s'y trouvent. Donc le cheikh nous dit « فَهَلِ التَّحْدِيدُ الزَّمَنِي كَافٍ لِتَحْدِيدِ مَفْهُمِ السَّلَفِ ». Donc le fait de limiter cela à une époque, à un temps bien précis dans l'histoire, est-ce qu'il est suffisant pour limiter la compréhension du terme as-salaf ? إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْمُرَادِفْ بِالسَّلَفْ زَمَنِيًّا هُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ الثَّلَاثَ الْمُفَضَّلَةِ اسْتِئْنَاسًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي تَعْيِينِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى بهم يقتدى به. Donc si on dit cela, que ce n'est pas les gens mais c'est le temps en lui-même, c'est-à-dire ceux qui ont vécu à telle époque, et si par exemple on dit que dans le temps ce sont les personnes qui font partie des trois premières générations bénies, c'est une époque qui est bénie, en s'appuyant sur les hadiths qui ont été rapportés concernant les trois premières générations bénies. Il fait allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Les meilleurs des gens sont ma génération, puis celle qui vient après et celle qui vient après celle-ci. Donc, si on comprend que c'est le temps en lui-même et non pas les personnes qui ont vécu à ce moment-là, Alors, est-ce que cela voudra dire qu'on considère que toute personne, quelle que soit cette personne, qui a vécu à cette époque-là, on est en droit de le prendre comme exemple et de le suivre ? La shak anna dhalika ghayru sahih. Il n'y a aucun doute que cela est faux. Parce que, pourquoi ? Parce que dans ces époques-là, il y avait des personnes qui ne sont en aucun cas un exemple. Il y a des personnes qui n'ont pas accepté l'islam. Il y a des personnes qui étaient hypocrites. Il y a des personnes qui étaient des grands innovateurs dans les premiers siècles. Donc, le fait qu'ils aient vécu à cette époque bénie, si on disait que c'est le temps en lui-même, ils rentreraient dedans. Non. Et c'est pour cela qu'il y a une distinction à bien prendre en considération. Et la réponse à cette question, elle est bien négative. Non, ce n'est pas toute personne qui a vécu à ce moment-là qui c'est une personne qui est bonne à suivre ou à prendre comme exemple. فَقَدْ خَرَجَتْ كَثِيرٌ مِنَ الْفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَ الزَّمَنِيَّةِ. Car beaucoup de tendances, de sectes sont sorties pendant cette période-là. المنافقون, les hypocrites dont Allah tabaraka wa ta'ala a parlé. Il a révélé une sourate qui porte leur nom, Suratu al-Munafiqun, qui sont des personnes qui extérieurement se font passer pour des musulmans, mais qui cachent la mécréance dans leur fort intérieur. Sont-ils des exemples pour nous? Non. Mais ils ont vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient avec les compagnons. Ils priaient derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur état mauvais fait qu'on n'a pas le droit de les prendre comme exemple. Et Allah a dit qu'ils sont dans le plus bas degré du feu de l'enfer. Et ça, c'est pour tous les hypocrites semblables à eux. De même que les derniers compagnons, radiallahu anhum, ont vu, ont assisté à la naissance des premières sectes. Donc, c'était des tabi'ines. À l'époque des tabi'in, il y avait des compagnons et des sectes sont apparues, parmi lesquels Al-Qadariya, ceux qui se sont égarés dans le domaine du destin. Vous connaissez le hadith de Jibril, alayhi salam, le long hadith de Jibril, qui vient en forme humaine, hein, avec les cheveux et la barbe bien noirs, des vêtements bien blancs. On ne voit pas en lui les traces du voyageur, pas de poussière. Jusqu'à qui s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui pose des questions sur l'islam, sur la foi, sur l'adoration par excellence, à l'ihsan, sur l'heure, quand est-ce qu'elle viendra, sur les signes de l'heure. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, c'est Jibril qui est venu vous apprendre la religion, votre religion. Ce hadith, il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Mais qui le rapporte d'après Omar? C'est son propre fils, Abdullah, radiallahu anhu majma'in. C'est quoi l'histoire? C'est deux hommes en Irak qui entendent parler de nouvelles idées dans le domaine du destin. Et ils se sont dit, nous allons pour le pèlerinage ou la Umrah, et le premier compagnon qu'on rencontre, on lui pose la question de ce qu'on entend fil Basra, dans la ville de Basra en Irak. Et ils arrivent donc dans les environs de la Mecque, ils rentrent dans la mosquée, ils trouvent qui? Ils trouvent Abdullah ibn Omar, radiallahu anhumah. Et chacun s'est mis, un s'est mis à sa droite, l'autre s'est mis à sa gauche. Et l'un a pris la parole et il lui a dit, on a vers chez nous, dans notre région en Irak, des personnes qui mettent en doute le destin. Et comme quoi que tout est dû au hasard, il n'y a pas de destin. Et Abdullah ibn Omar a dit, radiallahu anhu, dites, informez ces gens que Abdullah ibn Omar les désavoue. Il est innocent d'eux et eux sont innocents de lui. Et dites-leur qu'ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils croiront au destin bon et mauvais. J'ai entendu mon père, Omar ibn Khattab, dire, et c'est le hadith de Jibril qui vient. Et dedans, il y a « Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi » et que tu crois au destin bon ou mauvais. De même, à l'époque de Ali, radiallahu anhu, qui sont sortis ? Al-Khawarij, les Kharijites, qui ont rendu les Sahaba mécréants, radiallahu anhum ajma'in, et que Ali, radiallahu anhu, a combattu avec l'armée des musulmans. Donc, ce sont des gens qui ont vécu dans ces époques, dans une époque qui est bénie, mais le fait qu'ils aient vécu à cette époque-là ne fait pas d'eux des gens qu'on prenne pour des bons exemples à suivre. Donc le cheikh dit فَلَيْسَ السَّبْقُ الزَّمَنِي كَافِيًا فِي تَعْيِينِ السَّلَفِ. Donc, le fait que dans le temps, des gens ont précédé ne suffit pas, ce point-là ne suffit pas pour préciser que ce sont as-salaf. Il faut cela, qu'ils soient prédécesseurs. Mais pas que ça. Il y a d'autres points à vérifier. Bel, la budda an yudafa ila hada sibq al-zamani muwafaqatu ar-ra'i lil-kitab wa as-sunnah. Mais en plus qu'ils ont précédé, il faut y ajouter à cela que leurs opinions, leurs positions sont en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa as-sunnah fa laysa bi salafi. Et toute personne dont son opinion est en contradiction avec le livre et la sunna ne pourra pas être considéré comme un bon prédécesseur. Wa in 'asha bayna dhahrani as-sahaba wat-tabi'in. Même s'il a vécu en plein milieu des sahaba et des tabi'in radiyallahu anhum ajma'in. Idhan fa wujud shakhs ma fi hadha az-zaman la yakfi lil hukm 'alayhi bi annahu 'ala madhhab as-salaf. Donc la présence d'une personne pendant cette époque bien précise ne suffit pas pour la juger comme étant une personne sur la voie des pieux prédécesseurs. Ma lam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi. Tant qu'il n'est pas en conformité avec le livre et la sunnah, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actes. Muttabi'an la mubtadi'an. Et que cette personne soit une personne qui suive le chemin convenablement et non pas une personne qui innove. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح. Et c'est pour cela que beaucoup de ulama, beaucoup de savants mettent une précision au terme as-salaf lorsqu'ils l'emploient en disant les pieux prédécesseurs. Ils mettent le terme pieux. As-salafu as-salih. C'est-à-dire celui qui n'est pas salih, qui n'est pas pieux, qui n'est pas vertueux, qui n'est pas dans la droiture, dans le chemin convenablement, un suivi convenable de la sunna du prophète sallam, eh bien, il n'entre pas dedans. Donc, ils disent as-salaf as-salih. Pour enlever toutes les tendances et toutes les personnes qui ne sont pas en conformité avec le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Qala al-imam as-safaraini rahimahullah ta'ala al-muradu bi madhhab as-salaf ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram ridwanullahi alayhim wa a'yanu at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatu ad-din mimman shuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'idhamu sha'nihi fi ad-din wa talaqqa an-nas kalamahum khalafan 'an salaf duna man rumiya bi bid'ah aw shuhira bi laqabin ghayri murdin mithl al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyyah wal-murji'ah والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. الإمام الصفراني رحمه الله ندي: Ce qui est voulu par la voie des prédécesseurs, ce sur quoi étaient les nobles compagnons, qu'Allah les agrée, et les imams, les savants parmi les tabi'in, ceux qui les ont suivis convenablement, qui ont suivi convenablement as-sahaba. Et ce terme leur est donné, at-tabi'in, pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Et les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirin, les musulmans de la Mecque qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, والأنصار, les musulmans de Médine qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les émigrés et les auxiliaires, ceux qui ont prêté secours et aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont donné refuge aux muhajirin. Donc les Mécois et les Médinois parmi les musulmans de l'époque du prophète alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont suivis convenablement, at-tabi'in. Walladhina ittaba'uhum, ceux qui ont suivi convenablement as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc l'imam Safaraini rahimahullah dit: وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. Et parmi les imams et les savants des tabi'in qui les ont suivis convenablement, وَأَتْبَاعُهُمْ, et ceux qui ont suivi convenablement les tabi'in, وَأَئِمَّةُ الدِّينَ, et les grands imams de la religion, مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَ, ceux dont on a témoigné qu'ils sont bien les imams de la religion, وَعُرِفَ عِظَمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينَ, et qu'on connaît leur grande place dans la religion, et dont leurs paroles, leurs opinions ont été acceptées par les musulmans de génération en génération. Ceux qui sont venus après l'ont accepté de ceux qui les ont précédés, sans compter ceux qui ont été connus pour l'innovation ou qui ont été connus par des pseudos ou des surnoms qui ne sont pas convenables, comme ceux qui sont considérés comme étant al-khawarij, les kharijites, al-rawafid, les chiites, al-qadariya, ceux qui se sont égarés dans le domaine du destin, la secte des murji'a, de l'jabriya, de l'jahmiya, de l'mu'tazila, al-karamiya et leurs semblables. Faqad ihtaraza hadha al-imam. Donc cet imam, l'imam Safaraini, a été bien précis. Il dit: فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة. Donc, il a bien précisé que السلف est donné à celui dont on témoigne de son imamat, de son avancée, de sa science et de sa place dans l'islam, et qui n'a pas été accusé d'innovation. فَلَيْسَ كُلُّ سَلَفٍ يُقْتَدَى بِهِ. Donc, ce n'est pas tout prédécesseur qu'on se doit de prendre comme exemple ou de suivre. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقُدْوَةُ وَالْأُسْوَةُ بِأُولَٰئِكَ السَّلَفِ الْأَخْيَارِ. Mais plutôt, ceux qui sont en droit d'être suivis et d'être pris comme exemple sont ces prédécesseurs notables, min ashabi rasulillah, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa a'immati at-tabi'in wa tabi'ihim, et les imams parmi les tabi'in et parmi ceux qui les ont suivis, alladhina shuhida lahum bil khayriyah, ceux dont on a témoigné du bien pour eux, walladhina 'urifa tamassukuhum bis sunnah wal imamati fiha, et ceux qui sont connus et qui ont été reconnus pour leur attachement à la sunna et qu'ils étaient des imams là-dedans. Donc, combien se trompent lorsque, par exemple, disent telle chose, elle est permise dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un écrit qui date de telle époque, de telle personne qui a dit. Comme si ça, en lui-même, c'était une preuve. Ah, bah, puisqu'il y en a eu des musulmans qui l'ont dit auparavant, ça veut dire que c'est autorisé. Subhanallah. On doit vérifier la conformité avec le livre et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wallah, des fois on entend des atrocités. Quelqu'un qui fait des recherches, je ne sais où, historiques, et qui a trouvé qu'à une certaine époque, dans certains lieux, une femme elle a gouverné. Donc il dit, donc la femme elle a le droit d'être chef d'État. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, on en a trouvé qu'ils l'ont été. Subhan, depuis quand c'est ça l'épreuve dans la religion ? Ou quelqu'un qui écrit un livre, qui s'appelle comment, Malek Shebel, il se prend pour un spécialiste de l'islam, alors que c'est un ignorant de l'islam, même si on lui donne la parole, wal'iyadhu billah, dans certains médias. Malek Shebel écrit un livre comme quoi, dans l'histoire, on a retrouvé des communautés musulmanes qui consommaient de l'alcool. Donc ce n'est pas vrai de dire que c'est conformément interdit. Subhanallah, comment les... Voilà l'ignorance, ce qu'elle fait avec ces personnes. Wal'iyadhu billah. وَالَّذِينَ عُرِفَ تَمَسُّكُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَالْإِمَامَةِ فِيهَا. Et ceux, donc, qui sont connus pour leur attachement et qu'ils sont imams dans le domaine de la sunna. وَاجْتِنَابِ الْبِدْعَةِ. Et qu'ils étaient éloignés de l'innovation. وَالتَّحْذِيرْ مِنْهَا. Et qui ont mis en garde contre l'innovation. وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالتِّبَاعِ سَبِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre le chemin, la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, waqtifa'i atharihim wa suluki manhajihim, et d'être derrière leurs traces et de suivre leur voie. Faqala azza wa jal wattabi' sabila man anaba ilay. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et suis le chemin de ceux qui se sont repentis à moi, de ceux qui sont revenus à moi. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. Et tout compagnon est une personne qui est revenue à Allah. Tout compagnon est une personne qui se repentit à Allah. Donc il est un devoir de suivre son chemin. Et ses paroles et ses convictions font partie, en grande partie, de son chemin et de sa voie. Wa qad radiyallahu anhum. Et Allah les a agréés. Wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Allah les a agréés et il a agréé ceux qui les ont suivis convenablement. Et Allah, s'il agrée une personne, c'est que la personne est dans la droiture. C'est que la personne est dans le chemin qui plaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah a agréé les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et il a agréé ceux qui suivent les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Qala ta'ala, le Très-Haut nous dit, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirin et al-ansar, ceux-là ils sont cités. Subhanallah. Comment des gens peuvent arriver à dire ce sont des hommes comme nous? Pourquoi leur opinion serait au-dessus de la nôtre? Allahu Akbar. Comment des gens peuvent arriver? Ils ne savent même pas la place et la valeur des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Des hommes qu'Allah a choisis pour qu'ils soient les compagnons, ceux qui vivent à l'époque du prophète, qui sont musulmans, qui sont avec lui, qui croient en lui, qui combattent avec lui, qui prient avec lui, qui appliquent et qui apprennent directement de lui et qui prennent le Coran directement de lui, alayhi salatu wassalam, et qui sont les garants de la religion. Le Coran, on n'a pu l'avoir, le recevoir que par leur intermédiaire. La sunna, on n'a pu l'avoir, la recevoir que par leur intermédiaire. On ne peut avoir l'islam si ce n'est par le biais des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ce sont des hommes choisis par Allah, tabaraka wa ta'ala, les meilleurs des hommes, comme a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, inna allaha nazara fi quloubi al-ibad, fara'a qalba muhammadin khayra al-quloub, fastafahu lil-nubuwa. Thumma nazara fi quloubi al-ibad, فَرَأَى قُلُوبَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْقُلُوبِ فَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَتِهِ فَاعْلَمُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Allah a regardé dans les cœurs des hommes et il a trouvé le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des cœurs, et l'a élevé au statut de prophète et de messager. Il l'a élu alayhi salatu wa salam. Puis il a regardé dans les cœurs des hommes et il a trouvé les cœurs des compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des cœurs. Et il les a choisis pour qu'ils tiennent compagnie aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Connaissez leurs vertus, leurs bienfaits, car ils étaient sur le chemin droit. Des hommes qu'Allah a agréés. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Allah a agréé les croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre en l'an 6 de l'Hégire. Pendant Al-Hudaybiyah, ils étaient partis pour la Umrah. Ils ont été arrêtés, ils se sont arrêtés à ce point qui s'appelle Al-Hudaybiyah, où il y aura le pacte de paix entre lui, alayhi salam, et les politiques de Quraysh de la Mecque. Et les sahaba sont venus prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et sous l'arbre. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dit, nous étions ce jour-là 1400 compagnons à prêter allégeance, et Allah nous dit dans le Coran qu'Allah les a agréés. Donc subhanallah, comment des gens qui viennent après peuvent-ils parler un langage comme celui-là? On leur doit tout le respect aux compagnons. Et leur opinion, elle passe avant nos propres opinions. Leur opinion vis-à-vis de nous est meilleure que notre propre opinion vis-à-vis de nous-mêmes. Ce sont les disciples et les élèves du prophète, alayhi wa sallam. Tayyib. Donc, Allah dit, « Al-Muhajirin ». Ceux-là, ils sont agréés. Al-Ansar, ceux-là, ils sont agréés. Tous ceux qui viennent après, ils n'entrent pas dans cette formule. Al-Muhajirin, on n'est pas des Muhajirin. Al-Ansar, on n'est pas des Ansar. Donc, on n'entre pas dedans. Tous ceux qui viennent après les compagnons ne pourront gagner l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que s'ils viennent avec un point bien précis, qui est le suivi convenable des compagnons. Et les premiers, les prédécesseurs, parmi Al-Muhajirin et Al-Ansar, et ceux qui les ont suivis convenablement. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Ceux-là, Allah les agrée, et eux l'agréent, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement, et voilà le grand gain. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين. Donc cela n'entre pas dans l'innovation que les adeptes de la sunna se nomment السلفيين. بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. Mais plutôt le terme السلف dans le sens technique est un synonyme. Il veut dire la même chose que le terme dans le sens technique de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة. Et cela, on le conçoit bien lorsqu'on voit que, avec méditation, on voit que ces deux termes, en premier lieu, concernent qui? Les compagnons, رضي الله تعالى عنهم. فهم السلف. Ce sont eux les prédécesseurs. وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Et ce sont eux les adeptes de la sunna et du groupe. فَكَمَا يَصِحُّ لَنَا الْقَوْلُ سُنِّي نِسْبَةً إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ يَصِحُّ لَنَا الْقَوْلُ سَلَفِي nisbatan ila salaf. De même qu'il est valide, autorisé de dire pour une personne qu'elle est sunnite, et c'est une affiliation aux gens de la sunna, de même il est valide, il est permis de se dire salafi, qui est une affiliation au terme as-salaf. La farqa idhan, il n'y a aucune distinction entre les deux. Fa innahu ba'da wujud al-firaq wa husul al-iftiraq asbaha madlul as-salaf muntabiqan ala man hafaza ala salamat al-aqida wal manhaj. Donc après l'existence et la présence des sectes et des tendances et de la division, de la séparation dans la communauté, le terme as-salaf, il est employé pour toute personne qui garde son credo, son dogme authentique. Il s'attache à la véritable croyance et au véritable chemin à suivre. Tibqan li fahmi as-sahaba wal qurun al-mufaddala, tout en restant dans le suivi de la compréhension des compagnons et des générations bénies. Wa yakunu hadha al-mustalah as-salaf muradifan lil asma' ash-shar'iyya al-ukhra li ahli as-sunnah kama taqaddam. Et donc le terme as-salaf est synonyme aux autres termes légiférés qui sont donnés aux adeptes de la sunna, comme nous l'avons vu précédemment. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.